Chapitre 7e, 4e nuit. La journée avait été longue et il était près de 2 heures du matin. Christophe était fatigué par toutes ses allées et venues et ses dernières émotions, mais il n'avait pas envie de se coucher tout de suite. Il regarda du billard à la télévision. Cela le détendit un peu. Il abandonna au milieu de la partie et s'endormit rapidement. Deux bandes qui s'étirent très loin jusqu'à l'horizon, une grise et une bleue ciel. La bleue est 2 fois plus large que la grise. Sa surface n'est pas uniforme. Elle est lisse par endroits. Ailleurs, elle semble faire des vagues. Là, il y a des monts et là, il y a des vallées. On entend la musique des rivières et le chant des oiseaux. Il fait doux. La bande grise, elle, est froide et remplie de crevasses. Ses chemins sont escarpés. Elle est parcourue de hurlements sinistres qui font frémir. Heureusement, elle semble déserte. De l'autre côté de la ligne, les rires fusent. Il y a beaucoup de monde qui s'agite pour profiter de tout ce bonheur. On a du mal d'ailleurs à se déplacer tellement il y a de monde, et d'autres personnes arrivent en permanence, prévenues par le bouche à oreille. On ne voit même plus le bleu maintenant. Il n'y a plus que le noir de monde et les rires qui ressemblent de plus en plus à des cris. Et puis, soudain, tout se fige, un hurlement monte. Quelqu'un secoue le ruban et fait disparaître le bleu, puis tout disparaît. Le petit garçon demande « Où veux-tu passer tes vacances, toi, monsieur ?»« Je veux passer mes vacances dans cette région inconnue où seul mon souffle peut conduire ma bien-aimée. » Le petit garçon joue. Il lance un dé et déplace de petits cyclistes sur une route invisible. Il est très concentré sur ce qu'il fait. Il commente chaque coup de dé et il encourage les coureurs qu'il connaît tous par leur nom. Les règles du jeu semblent assez complexes, mais il les domine. Et un cycliste se dresse sur les pédales et démarre brusquement. 2 autres se jettent dans sa roue. À 3, ils prennent rapidement 10, puis 20 carreaux d'avance. Les autres ne semblent pas réagir. Leurs vélos sont un peu bizarres. L'un a 2 petites roues encadrant la roue arrière, comme pour les petits enfants qui apprennent. Un autre a une selle énorme et 2 gros pneus. La 3e est montée sur chenille. Comment font les cyclistes pour aller si vite avec de telles machines? Et puis, voilà 3 autres concurrents qui les rejoignent, avec des vélos tout aussi étranges. Le premier est tout blanc avec une croix rouge en guise de guidon. Le second est tout rose et son occupant est nu. Quant au 3e, il est passé trop vite, impossible de le voir. Chacun à son tour prend la tête du petit peloton, mais ne peut la conserver devant la volonté des 5 autres de passer devant. L'arrivée n'est plus très loin maintenant, et on s'apprête à remettre la coupe au vainqueur. C'est une belle femme blonde qui la tient pour l'instant dans sa main. Elle sourit. Son sourire semble hypnotiser les cyclistes qui pédalent de plus belle. Lequel va arriver le premier? Le gros homme joue aussi. Lui, c'est avec des liasses de billets qu'il joue. Il les place les uns sur les autres, comme elles viennent, mélange les différentes coupures, grosses et petites, neuves et anciennes. Quand un paquet lui semble assez gros, il met un élastique autour et le jette devant lui. Une femme est là, qui ramasse les billets et les met dans un sac. Parfois, pour changer, le gros homme plie les billets en 2, en 3 ou en 4 et poursuit son manège qui se termine toujours dans le sac de la femme. Celle-ci entasse l'argent consciencieusement dans le sac, qui semble sans fond. De temps en temps, l'homme appelle la femme qui vient l'embrasser et lui sourire et lui montrer son corps svelte et souple. Et puis l'homme se remet à son jeu. Parfois, pendant que la femme est occupée à ramasser et à ranger l'argent, il regarde à la dérobée sur sa gauche une photo dans un cadre noir. Une photo de femme blonde qui sourit. Une femme qui ne sait pas compter et qui n'a pas de grand sac pour ranger l'argent. Le gros homme sait que cette femme ne peut être qu'un rêve, et que l'autre qui est devant lui est bien vivante, alors il rappelle la femme pour qu'elle l'embrasse, lui sourit. Lui montre son corps jeune et ferme. Il fait chaud, comme tous les jours. On a l'impression que le soleil pénètre sous la peau et expulse l'eau qui s'y trouve. Tout le monde transpire et fait connaître son odeur aux autres. On peut reconnaître chacun à son odeur. C'est même devenu un jeu, quand l'ennui est trop présent. Il y a des odeurs odieuses et celles qui sont presque agréables. Celles qui piquent, et bien sûr, il y a celles que l'on aime le mieux, la sienne. Les copains sont couchés aussi. Ils dorment après la journée de chaleur. Il n'y a que lui qui fume et qui songe. Il pense à la jeune fille qui lui a donné son corps. Il sait que c'est un des souvenirs de sa vie, peut-être le souvenir. Il vit avec depuis. Il le revoit chaque jour. Quelle douceur, quelle passion, quel plaisir. Et se sent chéri. Il avait pour la première fois de sa vie vu le sang d'un être aimé couler, sans ressentir de désarroi. Pour une fois, l'amour, la souffrance n'étaient pas au rendez-vous. C'est le plaisir et l'amour qui remplissaient le temps pendant que le sang colorait le drap. À qui pouvait-il parler de tout ça? Pas à ceux qui dormaient tout autour, pas à eux. Il attendait depuis de la revoir, elle, la femme de sa vie, si petite et si importante à la fois. Il aurait voulu écrire tout cela avec de jolis mots et de belles images, mais pas ici, non. Il y avait vraiment trop de soleil ici. L'homme heureux est dans cette rue. Pourquoi? Mystère. Il est là, c'est tout. Il ne sait pas s'il doit avancer vite ou traîner et mieux voir. Il voit les enseignes lumineuses au bonheur des hommes, maison des hommes heureux, la chance au bonheur. Elles éclairent la rue, mêlées aux énormes cœurs rouges et roses et aux vitrines habitées par les belles dames. Il a pris son bonheur avec lui, bien sûr, il ne s'en sépare jamais. Il l'a caché sous sa veste, tout près de son cœur. Il ne faut pas qu'il l'oublie, même si c'est difficile, avec tout ce qui brille autour. Tout clignote et l'attire, enseigne, néon, cœur, femme, sourire, sein. Et si après tout, juste une fois? Et la tour se réveille, elle vérifie si le cheval est toujours à ses côtés, mais il n'est plus là. Où diable est-il encore parti? Toujours par mont et par beau le bougre, quel métier d'être cheval! Une démarche si particulière, et souvent le premier levé. En plus, un métier risqué. Le pourcentage de perte est élevé. Toutes les statistiques le prouvent. Et le fou, au fait? Personne à sa place, bien sûr. Dès que le cheval s'en va, il a la bougeotte, le fêlé. Il doit être encore sur les noirs, comme toujours. Quelle vie! C'est comme ne circuler qu'à droite ou ne prendre les ascenseurs que pour monter. Et les pions, où sont les pions? La tour pense qu'elle a dû dormir longtemps et qu'elle se réveille vers la fin de la bataille. Mais aussi loin que ce regard porte, elle ne voit rien. Où se déroule donc le combat? Aucun bruit, aucune piste, aucune trace, aucun mouvement. Pas le moindre courant d'air. Si seulement elle pouvait bouger. Elle a le droit d'aller partout et en plus, elle peut aller vite. Mais elle reste immobile, inerte. Elle se sent seule. Peut-être l'est-elle vraiment? Que va-t-elle devenir, perdue dans ce coin de jeu? Elle appelle au secours, mais personne ne vient. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer ?